Il l'a donné à vos parents qui vous l'ont Non, donné? non, c'était dans un grenier et bon, moi je l'ai récupéré quand mes parents sont décédés. Donc en fait, ils avaient récupéré ça à Marseille, ils l'avaient pas ramené. Non, non, mon père l'avait ramené du pays. D'accord, donc il est Oui, revenu avec quelques objets quand même. ben écoutez, ils sont venus, quand ils sont arrivés en France, ils avaient une malle. C'est Donc, tout. C'est tout ce qu'ils avaient. et il y a des objets que vous avez récupérés aussi qu'il avait Des ramenés? objets, La vaisselle non. Non, celle-là, ben écoutez, on a un plat de burek. Ah Ils ont ouais? ramené, voilà. C'est comment un plat burek? C'est quoi? Vous cherchez. Allez. Et ça? Et le plat burek? Plat burek. Qui Oui, vient alors. direct de Turquie alors? Oui, celui-là, oui. Et Ça d'origine. aussi. Ça aussi. Ça Ça aussi. aussi, ouais. Ça, c'est des objets Ouais. anciens. Et où ce plat, il est en fer? C'est quoi? C'est pas Il doit y avoir du cuivre dedans parce que. cuivre. Alors, on en avait deux comme ça, il y en a un qui a disparu, on ne sait plus où il est. Et Donc, c'est un grand plat Ouais. rond. Oui, alors, madame, ma mère faisait les burek, elle faisait les parkava, c'est un peu ça, des millefeuilles. Ah Mais moi, je me sers toujours de ce plat. En Ah, plus, vous en c'est. servez? Ah oui, Ah tout le temps. oui. Il est épais, quoi. Quand Il je est fais les fin, burek, je quoi. mets dedans parce que c'est vrai que la cuisson ne doit pas être pareille. Je pense qu'il doit y avoir une induction, vous savez, par rapport aux métaux, qui doit être différente peut-être des plats métalliques que l'on fait maintenant. C'est pas la même chose. Et vous le mettez au four Ah, ou au au four? four, oui. Ah oui. D'accord. C'est bon, hein. Je veux dire, c'est bien cuit, quoi. Hein. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez me donner une ou deux recettes? Ah! Parce que c'est vrai que tout le monde fait les choses un peu différemment. Surtout les plats qui vous ont été transmis, les manières de faire qui vous ont été Oh ben moi, il transmises. n'y avait que les burek à l'époque, hein, parce que mais moi, comme je ne fais pas la pâte, j'achète la pâte feuilletée. Ouais. Donc, c'est vrai que Et je mets ma après, pâte comment? feuilletée. Ouais. Au fond, j'achète de la feta. Donc, je la brise. Ouais. Je la poivre. Je mets un œuf entier. Je mets du persil. Et puis, donc, je l'étale sur la pâte, que j'ai préalablement quand même perforée dans la fourchette. Hein, voilà. Et après, donc moi, dessus, je mets un petit peu de. S'il y a des restes de fromage, fromage, comment ça, Hollande, dur, un petit peu, gruyère, je mets dessus. Et puis, je la recouvre d'une autre pâte feuilletée, que je perfore également. Et avec le jaune d'œuf, je passe, si vous voulez, ce jaune d'œuf au pinceau. Ensuite, donc, avant, donc, je pince les bords. Je passe le jaune d'œuf au pinceau et je mets au four à peu près. 25 minutes. Oh non, pas tout à fait. Enfin, on regarde, on 20, surveille surtout à partir de 20 20 minutes. minutes. Voilà. D'accord. Et donc après, la pâte Et feuilletée, donc à gonfler. Et puis, je la sors du four et puis je après, la je donne aux coupe en enfants. losange. Je la coupe. Ah, avant de la mettre au four, c'est vrai, je passe le couteau pour faire des losanges dessus. Donc, et je mets donc au four après 20-25 minutes. Et après, donc, c'est bon. Il Parce faut qu'après, déguster. c'est des losanges qu'on sert. Voilà, Ah tu peux faire des losanges. oui. D'accord. Ok, Voilà. merci.